Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abodivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë ou seul au boulot, dans une chaise longue, en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Parcours de réfugiés, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des destins qui basculent et des vies devenues folles. Il y a des gens, comme tout le monde, que l'adversité a jetés sur la route et cette certitude que ces choses arriveront toujours. Et puis un jour, il faut raconter son histoire, celle qui donnera le statut de réfugié. Mais la véritable histoire, aussi dure soit-elle, sera-t-elle suffisante pour ouvrir une porte ? Alors pour commencer, les personnages. Un berger, un bénévole dans l'âme, des hommes en transit, un orphelin, un prof de français, un oncle qui croyait bien faire, un Afghan du Pakistan, un ethnologue et surtout un jeune homme. Ensuite le décor, un refuge, une épicerie sociale, un passage par l'Iran, des tirs, des violences policières, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, une baignade, une vendetta, la peur, le mensonge et les montagnes. Aujourd'hui, quatrième épisode, on se fait un café. La liberté au prix d'un mensonge, un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. J'ai lancé un café. Prends ma douche. Gorge du Loup, maison du Père Jourdan, 8h30 du matin, petit déjeuner, tout le monde dort sauf Hubert. Moi, je crois qu'il y en a deux qui ont aimé. Bosch et. Comment s'appelle l'autre ? Ah. Tu accueilles combien de personnes là, en ce moment ? Je sais pas combien. Hein. Une dizaine, quinzaine, je sais pas combien tu vois. On écoute. Ouais, je sais pas, autour du 50. Et ça peut monter jusqu'à combien, la capacité d'accueil ici ? On est monté jusqu'à 40. Mais on a une moyenne de 15-20, quoi. Comment c'est un peu plus calme ? Comment c'est plutôt 15-20, ouais. Il y a des Soudanais, des Érythréens, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, le Tchad. Comment ils savent qu'on peut dormir ici, qu'on peut se reposer avant de poursuivre le voyage ? La Roya, par exemple, quand ils passent la Roya, les gens les amènent ici. Les gens qui les récupèrent à droite à gauche sur le département, bon, très rapidement, on leur donne mon téléphone. Donc voilà, c'est pour se reposer souvent, pour se calmer, pour sortir du stress dans lequel ils sont, donc ça prend un peu de temps. Et ensuite pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire ensuite. Et ensuite, voilà, ils choisissent l'endroit où ils veulent aller et on organise le voyage, quoi. Et on les suit, quoi. Pour tout le voyage. Bon, et Bosch, il arrive, oui. Bosch ! Et certains sont là depuis plusieurs mois ? Certains sont là depuis plusieurs mois. Et Haider, il est là depuis... Il est arrivé en mois de mars 2016, ouais. Ouais. Non. Le jour de son anniversaire, puisque sur son anniversaire, quand ils l'ont viré du foyer, il avait 18 ans, donc hop, ben on met dehors, donc et ensuite il fait toute la procédure de demande d'asile. Donc voilà, le dossier, le truc, la préfecture, le PADA, le machin. Et en plus, c'est une convocation à l'OFPRA, bon, qui est venu, je sais pas combien, moi, 6 mois ou 8 mois après. Et comme c'est négatif, et ben, hop, c'est reparti. Hein. Je vais mettre ça, il va bientôt aller à la CNDA. Hein. Bon, allez, on y va, mais il faut y aller quand même. Et on va où, Hubert? On va à la banque alimentaire pour alimenter notre épicerie sociale. C'est au bord du Var, c'est ça? Il y a un nombre de barrettes sur le volant. Allez, ok. Tu as des micros de voir pour la vie, on a quoi bien interviewé que tu es. Dans la mer, qui nous m'a mis. Ah, ne vous t'aider, on va rester français là. Oui, Raphaël. Tu es où? Ça va, mais j'arrive dans 2 minutes. J'étais allé au Rivière. Ah, ok, d'accord. Ouais, je t'attends. Ouais. À tout de suite. D'accord, j'arrive. À tout de suite. Paris-Bordeaux-Le-Mans. Vas-y, Haïdar, parle dans le micro. Kaboul, Téhéran, Nice. Haïdar, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Haïdar, je viens d'Afghanistan. Et j'ai 19 ans. Tu es parti donc de Peshawar, t'es allé où? En Iran? Oui, et Iran. Et une fois je suis arrivé en Iran, c'était une ville, ça s'appelle Iranshahr. Mm-hmm. J'étais là-bas et on était dans les petites voitures, 19 personnes. Et on était là-bas, c'était nuit, minuit. On a fait voyage dans la route. Il y a la police qui est arrivée. Et il a dit à un chauffeur, arrête la voiture parce qu'il y a des réfugiés. Et en rang, il n'accepte pas les réfugiés. Et parce qu'elle a dit, ça, c'est pas réfugié, ça, c'est un groupe de talibans, Daesh, quelque chose. Et on était pakistanais, afghans. Oui, c'est pakistanais et afghans. Et il était deux pakistanais à côté de moi. Il était un jusqu'ici. Et le deuxième, il est mort. Et le deuxième, il était jusqu'ici, il était bien. Et après, on a attrapé. C'est-à-dire qu'il a reçu une balle dans la hanche. Ouais. Et après, on a resté en Iran 3 jours en jail. En prison. En prison. Et il n'a pas donné à manger. Il a attrapé avec ceinture, avec n'importe quoi. Il m'a loué au Pakistan encore. Et je suis allé là-bas, j'étais très malade parce que j'ai eu les morts. Et j'étais c'est quoi ça? J'étais comme fou quand j'étais au Pakistan. Tu étais traumatisé. Ouais, j'ai resté un mois encore là-bas au Pakistan. Et après, je suis parti. Deuxième fois. La deuxième fois, quand je suis arrivé à Iran, j'ai resté un mois comme ça. Pour trouver l'argent pour aller au Turquie. Et ma mère, elle a demandé de Waza, s'il te plaît. Et comme ça, il a trouvé pour aller au Turquie. Après, je suis arrivé en Turquie. On a fait les marches 4 jours. Il y a pluie, il y a des trucs. On a marché, il y a des pieds comme ça. Et c'était très, très mal. Mais on est arrivé en Turquie. Et après, on était bien. Et après la Turquie? Et j'ai resté en Turquie aussi 2 semaines. Et après, ma mère, elle a trouvé pour aller au Bulgarie. Au Bulgarie aussi, on a marché beaucoup. Oui. Et en Bulgarie aussi, la police, on a attrapé avec les grands chiens. Et ils m'ont envoyé en Turquie. Et deuxième fois aussi, je suis allé au Bulgarie. Et après, je suis allé au Serbie. En montagne, c'était très possible. Mais après, on était arrivé à Serbie. Après Serbie, c'est ça. Ouais. Et après, j'ai pris le train pour Croatie, comme ça. Croatie? Ouais. Et après, j'ai trouvé beaucoup de jeunes. Je suis avec eux. Elle m'a dit, tu vois, j'ai dit, je suis allemand. Elle a dit, je reste avec nous. Nous aussi, on va aller en allemand. allemand et après Italie. Et j'ai resté 3 ou 4 jours en Italie. Et après, je suis arrivé à Ventimiglia. J'étais à Ventimiglia pour une nuit. Et après, j'ai trouvé quelqu'un pour passer les frontières. Il m'a dit, tu peux me donner 100 euros, je peux te passer à Nice. Mais j'ai dit, j'ai pas d'argent, comment je te donne? Et après, j'ai trouvé 50 euros dans ma poche et j'ai donné. Et il m'a bloqué dans une box dans le train. Dans le train. Dans les toilettes ou... Voilà. Et comme ça, je suis passé, quand je suis arrivé à Cannes, j'ai fait nuit et je suis allé aux polices. J'ai 17 ans, je ne connais pas, je suis pas de place pour dormir. Et après, il m'a loué le camping des mineurs. J'ai resté là-bas 4 mois. Dans un foyer, pas dans un camping, ouais. Ouais. C'était ça. Là, on va choisir des fruits et des légumes. On va prendre celle-là. Ouais. En l'occurrence, cette nourriture, elle est destinée à l'association. À l'épicerie de l'association. Donc, ton association, c'est Habitat et Citoyenneté. Donc, on a 250 clients à l'épicerie, des gens qui ont des difficultés ou momentanées ou. En termes de nourriture. Là-dessus, tu prélèves un petit peu pour les 10-15 qui vivent chez toi en ce moment. Voilà. De façon. C'est quand même 3 repas par jour. Ouais, ouais, ouais. Et 20 personnes, 3 repas par jour, au bout d'un mois, ça veut dire quoi. Des carottes. Des fraises. Je t'aime pas. La patate douce. La patate douce, c'est pas mal ça, non? Ouais. Sauf qu'elle est un peu, elle est pourrie. Là, de la salade. Elle est pas mal. Allez. On prend ça, c'est bon. Et tu estimes à combien depuis, donc, on va dire, juin 2015, le début de ce que d'aucuns appellent la crise? Le nombre de personnes qui sont passées par chez toi? Au moins, je pense qu'on est à plus de 1500. Et tu reçois des cartes postales? Non, je reçois des coups de fil. Allô, c'est Mohamed. J'ai dit, oh putain, donc Mohamed, écoute, j'en ai eu 300 des Mohamed. Alors on fait comment? Bon, on va à l'épicerie maintenant. Ouais, on va à l'épicerie. Hein. Il est important de savoir qu'un demandeur d'asile a plusieurs institutions à gérer. Maître Zia Ouloumi. Plusieurs institutions. Spécialiste du droit des réfugiés. Un mineur, il y a le département, le parquet qui doit intervenir, le juge qui doit intervenir aussi concernant son placement. Sa demande d'asile, il y a la PADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Vous avez le GUDA, guichet unique du demandeur d'asile. Vous avez l'OFI qui intervient pour l'ADA qui est versé. Tous ces termes sont des cauchemars pour les demandeurs d'asile, qui n'y comprennent rien. Je dirais encore plus, les policiers ne comprennent rien, les avocats parfois ne comprennent pas, les juges ne comprennent pas. C'est un parcours qui est très compliqué. Il n'y a pas un guichet unique. La personne, l'étranger en l'occurrence, qui arrive sur le territoire national ou à la frontière, manifeste sa volonté de demander l'asile en France. 2 guichets pour se faire, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, PADA, qui est souvent gérée par les associations, et le GUDA, qui est le guichet unique des demandeurs d'asile. Alors, une fois que le préfet a décidé si c'est une procédure accélérée ou normale, la personne a 21 jours pour déposer sa demande, remplir son dossier et l'adresser à l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui est en charge de l'analyse. Ça peut prendre, selon les procédures, 15 jours, 6 mois ou un an. Dans ce cas-là, l'OFPRA prendra une décision positive donnant le statut ou une décision négative. À la suite de ça, il y a 30 jours pour les personnes pour déposer une demande, une requête devant la CNDA. Et à l'issue de ces procédures, en tout cas à la CNDA, si la décision est favorable, eh bien la personne a le statut. Et si c'est négatif, à ce moment-là, ça dépendra du préfet, bien évidemment, qui va refuser de délivrer une carte de séjour au nom de en tant que réfugié, mais qui peut, avant de dire non, prendre en compte la situation de l'intéressé pour considérer néanmoins naissance d'enfant, etc., que la personne pourrait avoir un titre de séjour ou que son éloignement pourrait porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, ou encore que la personne ne peut pas être renvoyée. Et c'est le cas parfois pour les Afghans. Même si la CNDA a rejeté, eh bien, le préfet ne peut pas les renvoyer dans ce pays-là parce qu'il y a une atteinte à leur intégrité physique en retournant dans ce pays. C'est donc contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Fin de journée dans ton jardin. Tes hôtes font leur lessive. Alors, puisque la gendarmerie connaît bien ta maison, pour y être venu plusieurs fois, est-ce que tu peux nous la décrire et nous dire où elle se trouve ? On est dans le vert, on baigne dans le vert des arbres avec collines au fond, tout ça c'est boisé, et donc voilà, on est en pleine nature. Il y a une petite route en dessous. Où il y a quelques voitures le matin et le soir parce que les gens vont travailler à Nice, puisqu'on est à 25 km de Nice. Et au-delà de la route, c'est la rivière, et ça nous berce 24 heures sur 24, hein, puisqu'on l'entend dans la maison. Et en même temps, on s'y baigne l'été. Pour qui aime la nature, c'est un endroit assez, qui est merveilleux. Quoi. On est loin, on est absolument pas sur la Côte d'Azur. À partir du moment où on rentre dans les gorges du Loup, ensuite, bon, c'est un autre monde, c'est autre chose, et la maison, c'est complètement. Donc, ça permet de décompresser, de vivre tranquillement, sans déranger personne. Les voisins savent pas ce qui se passe ici. Tout ça, c'est d'une façon discrète, ça dérange personne et tout le monde est content. Donc c'est parfait. Il est 18h passé. Un de tes hôtes, Haïdar, va bientôt rentrer de l'école, je crois. Oui. Oui. Il va rentrer de l'école, là, donc il s'est inscrit. Et tous les matins, il part à 7h30 en stop, hein, puisqu'il n'y a pas de transport en commun qui passe devant la maison. Donc à 7h30, mais pas mal de voitures, les gens le connaissent, et puis il va travailler et passer la journée à faire du français, mais d'autres trucs. Hein, il a appris à faire du pain, Et là, il va rentrer, oui, en stop. En stop. Hein. Haïdar, il est à la maison depuis le mois de mars, le 1er mars 2016. Alors, c'est assez étonnant parce que il commence à me raconter une histoire qui est orphelin de père. Et c'est l'aîné d'une fratrie de 6. Il a 18 ans, donc la maman elle est seule avec les 5 autres. Et donc, dans la tradition, dans la culture afghane, donc c'est l'oncle, hein, qui s'en occupe et qui gère. les affaires de la famille. Donc bon, alors il me raconte voilà qu'il était en Afghanistan, que son père a été tué. Donc les talibans qui ont tué le père et lui menacé devant les suivre, voilà. Bon. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Afghanistan pendant 8 mois, que je connais bien, alors que lui n'y avait jamais mis les pieds. Et c'est pas grave, on y va. Et ça n'empêche pas d'être vivant, d'être un élément important du fonctionnement de cette maison, tu vois, qui est un peu singulière, donc voilà. C'est, ouais. Et comment apprends-tu qu'il n'a jamais mis les pieds en Afghanistan ? Eh bien, après l'OFPRA, la décision de l'OFPRA, et quand j'ai lu son interview dans l'OFPRA, quoi. Tu vois bien qu'il comprend, il ne connaît pas. Et donc là, il a fini par me dire, bon, ouais. Et donc, il m'a expliqué. Et il m'a expliqué quoi ? Des choses que je pouvais très bien comprendre, effectivement, c'est que c'est son oncle qui décide à la maison. Et c'est son oncle qui lui dit, tu racontes cette histoire. Voilà. Et j'ai eu l'oncle au téléphone. Donc voilà, tu racontes cette histoire. Donc il s'est accroché là-dessus. Et il a raconté cette histoire. Et il ne pouvait pas faire autrement, quoi. Dans la, tu vois, c'était... pourquoi tu vas désobéir, enfin, je sais pas, là, bon, il pouvait, donc il raconte cette histoire. Je me nomme Haïdar. Je suis né le 1er mars 1998 à Sapesan, dans la région du Logar. Je suis de nationalité afghane. Je vivais dans le village de Sapesan, dans le district de Mohamed Ara, avec mes parents et mes 9 frères et sœurs. Je suis l'aîné de la fratrie. Mon père était chauffeur de taxi en Afghanistan durant 2 années après avoir travaillé dans un restaurant. Dans notre village, de nombreux talibans sont présents. Depuis mon enfance, je vis avec les talibans autour de nous, qui exercent une pression incessante sur nous. Il y a environ 2 ans, alors que mon père travaillait comme chauffeur de taxi depuis 2 années, les talibans sont venus le voir pour lui demander de travailler avec eux. Lorsqu'ils sont revenus 2 jours plus tard, en pleine nuit, avec plusieurs voitures, ils ont enlevé mon père directement à la maison. Ils ont assassiné mon père et ont abandonné sa dépouille dans le village le lendemain. Un message avait été laissé disant que maintenant que mon père était mort, c'était à son fils de prendre la relève, sans quoi il subirait le même sort. J'étais terrorisé. Je n'avais que 16 ans et je me retrouvais sous la menace directe des talibans. 2 ou 3 mois après le décès de mon père, les talibans ont commencé à s'en prendre à moi. En tant qu'aîné de la fratrie, j'étais donc devenu le chef de famille suite à la mort de mon père. Mais lorsque j'ai atteint l'âge de 16 ans et 5 mois, les talibans sont parvenus à m'attraper. Ils m'ont enlevé une nuit à la maison et m'ont amené dans un endroit inconnu, les yeux bandés. J'ai été enfermé dans une pièce. Ils m'ont passé à tabac toute la nuit. Ils voulaient que je rejoigne leur rang et que je devienne taliban et que j'assassine les policiers. Ils voulaient que je tue mon oncle qui était un traître à leurs yeux, car il travaillait pour l'État. C'est ma mère qui est parvenue à me faire libérer le lendemain. Elle a imploré les talibans de me laisser, étant le chef de famille et mon père ayant déjà été tué. Ils ont dit en me laissant partir qu'ils reviendraient. Je travaillais le plus discrètement possible pour ne pas prendre de risques. Les talibans sont passés de plus en plus régulièrement chez ma mère, ils passaient parfois tous les jours. C'était très risqué car je devais moi aussi me rendre chez elle pour lui donner de l'argent parfois. Ma mère et mon oncle ont décidé de collecter de l'argent pour m'envoyer en Europe car la situation était intenable. J'ai voyagé durant 2 mois avant d'arriver en France. Si je retourne en Afghanistan, je risque d'être tué comme mon père l'a été. Je vis sous une pression permanente des talibans et ne peux être protégé par personne. Je sollicite la protection de la France. Lou Salomé Sorlin, vous êtes juriste, spécialiste en droit des réfugiés. Parfois, pour un demandeur d'asile, le mensonge est justifié. Alors, c'est vrai que lorsqu'on accompagne des demandeurs d'asile, souvent, on intervient avec des personnes qui sont sur la route de l'exil depuis des mois, voire des années, et qui, avant d'avoir une information juste et éclairée, ont été informés ou plutôt désinformés par toutes les personnes qu'ils rencontrent sur le chemin. Ça peut être les passeurs, ça peut être les personnes rencontrées qui ont vu leur demande d'asile déboutée. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que les personnes ont été conseillées. On leur a demandé de mentir, en fait. On leur a dit, si tu ne mens pas, tu n'auras jamais la protection. On constate que bien souvent, les motifs réels qui ont conduit la personne à quitter son pays d'origine sont bien plus graves que les motifs qu'ils avaient présentés dans leur demande d'asile falsifiée, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, en accompagnant la personne et en la mettant en confiance et en lui expliquant, en l'encadrant, en lui expliquant les conséquences, on arrive bien souvent à avoir des décisions positives et des décisions positives qui sont fondées sur la réalité et sur une vérité. Et donc là, tout le travail de l'avocat, c'est d'expliquer que... à partir de la vraie histoire, d'expliquer que déjà les vrais motifs sont des motifs graves et que le mensonge qui a été donné à l'OFPRA ne permet en aucun cas de lui refuser la protection puisqu'il a des vrais motifs d'être protégé. Donc tout un travail d'explication à la formation de jugement et les formations de jugement à la CNDA sont habituées à ce type de situation d'un demandeur qui n'a pas forcément été suffisamment accompagné au niveau de l'OFPRA et qui ensuite, lorsqu'il rencontre les personnes qui l'informent véritablement se sent libre et se sent informé pour pouvoir expliquer les vrais motifs qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine. Eh ben, bonjour à tout le monde. Comme chaque vendredi matin, on va travailler l'oral. Hein, parce que si on est en France, on est là pour communiquer avec le français, pour vivre avec le français, pour comprendre le français, leur manière de vivre, leur manière d'être, leur culture. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Bon. Marianne avec le deuxième groupe. Alors, premier groupe 3, le 3 fort. Alors, s'il vous plaît, proposez un verbe. Tiens. Manger. Manger. Oh là là, tout le temps, on pense à manger. Ok, le verbe manger. Je vous écoute, Madame Mimi. Une phrase. J'ai mangé le déjeuner, un plat de pâtes. Est-ce que vous mangez hier soir? Et là, c'est non. Le passé composé. Hier soir, en est-ce présent? Que vous... Vas-y, mais fais la phrase correcte. Est-ce que vous avez... Vous avez mangé hier soir? Bravo! Non? Régis, tu le sais. D'accord. Bon, parfait. Donc, un verbe, c'est votre tour. Donnez un verbe. Alors, le verbe être... Je suis grand. Tu es grand, lève-toi. Tu crois, tu mens. Oui, je suis grand. Alors, je suis de taille moyenne, on a appris ça. Hein? De taille moyenne, ça veut dire non. Ni petit ni grand. Mais je suis grand. Oui, Heider, si tu le fais, oui, tu es grand. Alors, et mon prénom, c'est Katrina. Donc, je suis grecque, j'ai la nationalité grecque. Est-ce que vous vous souvenez du jour où Haïdar est arrivé ici dans cette école? Absolument. Et c'était à moi de lui faire passer le test de niveau pour évaluer un niveau inexistant en fait. Et il avait beaucoup de difficultés à comprendre et à se faire comprendre. Il s'est donné beaucoup de mal vu les conditions de vie. Il habite loin, pas de moyens de locomotion, mais il a fait tout pour être à l'heure, pour être présent et très participatif. Dès le début, très participatif. Le cas d'Aider est exceptionnel. On l'a gardé ici grâce à son courage, à sa motivation, à son travail sérieux, parce que il ne relève pas du même statut que les autres. Les autres touchent une petite rémunération. Elle nous a donné tous ces signes et on a dit il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser tomber Haïder. Et notre responsable a eu des contacts avec les personnes concernées et pour qu'ils puissent continuer à apprendre le français chez nous. Et son histoire en Afghanistan et au Pakistan, vous la connaissez? Non, parce qu'il bloque là-dessus. Et il fait un blocage Et quand je lui pose des questions, alors comment ça se passait là-bas, il secoue la tête et son regard devient sombre, s'assombrit. C'est pas, et après, je n'insiste pas, mais je pense qu'un jour, il pourra nous raconter tout ça. Haider a vu sa demande d'asile refusée par l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Il va faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Vous êtes au courant de ça? Oui, il m'en a parlé. Il m'en a parlé et nous sommes tous au courant. Il faut qu'on lui donne une chance. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Et vous savez la raison invoquée par l'OFPRA de lui refuser le droit d'asile? Non, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas pourquoi. Ils en ont marre qu'on leur mette une étiquette de réfugiés sur le front en permanence. Il faut bien se dire que je pense que, je sais pas, la population française, peut-être 5% de la population française ont été en contact avec des réfugiés vraiment, hein, et les connaître. Donc ils ont une espèce de représentation cathodique et politique, hein, de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on raconte, quoi, je veux dire. Et là, je mets en cause véritablement, moi, le travail des journalistes là-dessus, quoi. Parce qu'ils ont fini par créer une image ahurissante, quoi. Ahurissante, hein. Ça se termine, on croirait qu'ils arrivent d'une autre planète en masse et qu'ils vont envahir, alors que bien sûr que non. Que c'est des gens, c'est des musiciens, c'est des avocats, c'est des paysans, c'est des... Hein, d'abord. Ils ont une période de leur vie là où ils sont en situation administrative de réfugiés, bon, mais c'est pas ça la vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas leur vie, c'est pas... Donc arrêtons de toi, et puis d'avoir un regard. Moi, je vois les gens qui viennent me voir là. Des fois, c'est lourd, quoi, parce qu'ils viennent voir des réfugiés, quoi, en fait, toi, mais non, c'est pas ça le sujet, non. Donc on discute. On va discuter blues, on va discuter d'un tas de choses, en permanence, et ils sont intéressés partout, bien sûr. Donc sortir de cette étiquette, arrêter de les uniformiser, alors que c'est chacun ses qualités, ses défauts, comme je veux dire, moi j'ai l'impression de... Je vis avec eux, ça pourrait être mes cousins de province, quoi, je veux dire, que j'ai pas vu depuis longtemps, c'est simple, c'est hyper simple, très facile. Salut Raphaël. Et toi? Ouais, ça va. Tu rentres de l'école? Ouais. T'es rentré comment? Un stop. Toujours pareil. Ouais. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Tomaïssa. Je suis venu du Tchad. Quand? Presque 5 jours comme ça. D'accord. Et c'est vous qui faites la cuisine? Non, on est tous vers la cuisine. C'est quand c'est mon tour de faire. Et qu'est-ce que vous préparez? Je prépare les haricots. Toi, tu fais la cuisine de temps en temps, Aida? Oui, à chaque fois. Moi aussi, mais il y a beaucoup de gens qui font les cuisines. Y a pas... Moi aussi, j'ai fait. Alors, où est-ce qu'ils dorment, les gens? Ils dorment... À chambre de Bière aussi, il y a deux personnes. Et là-bas aussi, je pense, 5 ou 4 personnes là-bas. Dans la chambre du fond? Et il y a des gens qui dorment ici, canapé aussi. Oui. Et là-bas au chalet, il y a des tentes, il y a beaucoup de place. Et toi, tu dors où? Moi, je dors en bas. Tu me montres? Oui, oui. Rivière, c'était bien. T'es allé à la rivière là? Ouais, écoutez. Tu te baignes à la rivière? Ouais. Ici, c'est la cave. Ouais, je sais. Je dors ici. On s'assied deux secondes? Oui, oui. En fait, tu es venu ici parce que tu avais besoin d'intimité, c'est ça? Voilà, seul pour écrire, pour lire. Parce que là-bas, il y a toujours des musiques, il y a des gens qui parlent. Et aujourd'hui, c'est ta chambre? C'est pas ma chambre, ouais. Mais je dors ici. Ça va. Tu es heureux? Ici? Pas très, mais ça va. Parce que j'ai pas vu ma famille et j'ai pas de papier, j'ai pas de travail. Mais ça va, je suis heureux. Vous êtes avec moi et ça va. Tu sais quand Hubert rentre? Oui, peut-être il va rentrer. Maintenant, je pense, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il est en retard. Mmh. Il entre à 18h, il est là. Mmh. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident de vivre, effectivement, tu vois, avec un gars qui est bon, c'est comme mon fils. Hein. Ici. Donc, tu vois, qui te raconte, qui est capable de te raconter pendant 8 mois, quoi, tu vois, quand même, hein, à jouer un truc, et puis bon, moi, je connais ça comme... enfin, bon, ouais, c'était... je comprends très bien que il soit prêt à raconter n'importe quoi, certains, si tu veux, pour obtenir ce papier, quoi. Bon. Ce en quoi ils se plantent. Moi, mon travail ici, c'est de leur dire, vous allez vous planter. Ton histoire, t'es là ce soir, avec moi, là. Non, ça, tu vois, tu viens d'Érythrée, dans un village, je sais pas où, d'Afghanistan, et ça veut bien dire que tu dois avoir une histoire avant, qui doit quand même être assez intéressante, quoi, enfin, je veux dire, tu vois, hein. Et sûrement des trucs qui te suffisent à demander l'asile, tu vois. Mais ça, voilà, dans le voyage, ça doit faire partie du forfait avec les passeurs. Et on te vend l'histoire avec. Enfin bon, c'est complètement terrible, alors que de leur dire non, raconte ton histoire. Puis avec tes tripes, hein, si tu le veux. C'est pas. Mais tu sors du trip et l'autre, il est intéressé, quoi. Mais bon, tu es en train de blablabla, que tu veux, il s'emmerde aussi, tout le monde s'emmerde. Mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, attends, t'as sûrement eu quand même une vie incroyable, hein, étonnante, hein, pour être là ce soir à Tourette-sur-Loup, quoi. Et ça marche, ouais. Mais... convaincre Haïdar de raconter la vérité, ou en tous les cas, une autre histoire, c'était pas facile non plus. Moi, je connaissais pas les risques, hein, voilà, voilà. On a été voir l'avocat qui était pas très confiant, je lui ai dit, mais de toute façon, s'il raconte la même histoire, il va se planter, hein. Ça, c'est... J'ai eu l'oncle au téléphone où on s'est engueulé. Je lui ai dit, mais attends, vous comprenez pas? Je lui ai dit qu'il va se planter de nouveau. Alors, on lui raconte quelque chose, hein, ça, son histoire. Hein, et voilà, mais autrement, ça va être pareil. Je veux dire, s'il n'a pas mis les pieds en Afghanistan, ou peu, pas très bien, mais voilà, ça va le faire, quoi. C'est impossible, impossible. Donc, il s'agit de le mettre dans une situation où il va être capable de sortir un peu ça. Qui sort pas beaucoup d'ailleurs, lui. C'est quelqu'un qui reste, tu vois, dans ce qu'il a vécu, très discret, très très discret. Raconte ton histoire, raconte ton histoire. Hein. Je suis arrivé en France en 2015. J'ai demandé d'asile ici à Nice pour papier. Et j'ai raconté n'importe quoi parce que j'ai écouté d'autres personnes. Qui sont ces personnes qui t'ont demandé de raconter n'importe quoi? C'était la première personne, c'est mon oncle. On est afghan comme ça, on écoute des grands. On écoute les anciens. Voilà. Et on écoute ceux qui ont de l'expérience voilà, aussi. Voilà, voilà ça. Et elle, il m'a dit que tu ne peux pas dire ton vraie histoire, ça c'est pas très dangereux pour toi. C'est pas très avantageux pour toi. Voilà. Et tu peux raconter l'histoire des talibans, ça c'est un peu... Tu peux trouver... C'est plus facile pour voilà, les papiers. Voilà, c'est plus facile. Et comme ça, j'ai raconté les talibans et elle n'a pas accepté. Pourquoi tu étais au Pakistan avec ta famille? Parce que c'était ma grand-père. Avant, on était en Afghanistan. Où ça? Logar. Mm-hmm. C'est mon grand-père. Il est marié une fois avec une femme. Et il avait 3 enfants. Et après, il a aimé l'autre fille. Qui, elle est mariée avec quelqu'un. Et ma grand-père, elle a appris chez lui. Elle est restée là-bas 2-3 jours en Afghanistan. Et après, ils sont partis au Pakistan avec mon père, mon oncle, moi avec ma famille. Ils sont partis au Pakistan et après on a resté au Pakistan. Parce que là-bas, c'est quand tu fais comme ça, tu prends les filles, la famille des filles, elle va t'attuer pour ça. À cause de ça, elle est partie au Pakistan. Toi, tu es né donc au Pakistan? Oui, moi je suis né au Pakistan. Tu as grandi où? Au Pakistan, un camping, camp de réfugiés. Un camp de réfugiés, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mon oncle, il était parti au Afghanistan pour tuer les fils d'autres familles. Il y avait eu un mort dans ta famille déjà? Oui, quand mon grand-père l'a tué, ils ont tué mon grand-père. Et après, mon oncle, il est parti pour tuer son fils, lui. Et il est parti là-bas et il a tué son père. Et comme ça, après le temps, je ne sais pas combien de temps, mais un an comme ça, et après, ils sont arrivés au Pakistan. Il a tué mon oncle aussi. Et après, longtemps après, comme mon père, il est parti au Afghanistan pour réparer la maison. Et après, ils sont arrivés avec une voiture et il a tué mon frère. Ton père? Oui, là-bas. Premier, il l'a tué dans la voiture et après, ils sont partis avec le couteau. Et il a fini avec le couteau aussi. J'ai dit à mon mère, mon oncle, pourquoi on n'arrête pas? Il m'a tapé aussi. Comment, tu es afghan ou quoi? T'es pas afghan? Pourquoi tu dis ça? Il y a des voisins, ils doivent dire comme ça. Il a tué ton père, ton oncle, ton grand-père. Il t'a pas tué son fils, comme ça. Et pour ça, j'ai dit à mon mère aussi, elle m'a dit, quand tu pars avec nous, peut-être il doit te tuer comme ça. Et pour ça, je suis parti du Pakistan. Selon le Pashtun Wali, le code d'honneur des Pashtuns, un différend entre deux familles peut être négocié dans ce qu'on appelle une shura, donc une assemblée des sages, oui. Dans une société afghane qui est une société de consensus, oui. Pour pouvoir régler le problème autrement que par le sang. Et pourquoi, dans cette histoire, n'y a-t-il pas eu de shura, de négociation? Oui, on a fait le shura aussi une fois. Et l'autre famille, il n'a pas accepté. Il a dit, il a insulté les vieux aussi. Il a dit, pourquoi vous êtes venus? Ça, c'est notre problème. C'est pas votre problème. Ça, c'est le premier point. La deuxième fois, vous êtes arrivés, on nous a fait mal avec vous. Parce qu'il a dit, ça, c'est pas votre problème. C'est notre problème. Dans le contexte afghan, on n'est rien en dehors de son cercle familial. Et on n'a pas d'identité ni de position sociale si on ne dispose pas d'une famille qui vous aime, qui vous respecte, qui vous protège et qui constitue en quelque sorte une garantie pour la durée de votre vie. Laurent Dessart, ethnologue, linguiste, spécialiste de l'Asie centrale. Qu'est-ce que ça signifie de désobéir à son oncle maternel comme ça, puisque le jeune Haïdar a décidé de désobéir et de raconter la vérité? Ben, ce que ça signifie pour moi, c'est d'abord qu'il a tiré un trait sur l'idée de revenir en Afghanistan. Comment ça marche la vendetta en Afghanistan et en particulier chez les Pachtounes? Enfin, il y a deux moteurs différents. Il y a le moteur de la loi islamique et puis il y a le moteur de la loi tribale. Alors, enfin, il y a une application quasi mécanique de ces normes qui, si elle ne se fait pas, signifie pour les gens qui ne lavent pas l'affront, ils vont tout simplement être ridiculisés. Ils vont être l'objet de la risée publique et tout le monde va se payer leur tête. Et donc, a priori, ce seront plus des interlocuteurs sociaux ni économiques crédibles et ils n'auront plus qu'une issue à longue échéance, c'est de quitter leur village et de s'exiler. Alors, les critères de la vendetta, ça s'appelle en fait sous différents noms, mais le plus fréquent, c'est celui de Badal, qui est en fait un terme d'origine arabe et qui signifie « échange ». Toute une forme de calcul arithmétique, on pourrait même parler d'algèbre, des crimes qui méritent punition et des réparations qui sont prévues pour effacer ou laver les affronts. Et alors, c'est des fois assez trivial et assez horrible, mais ça reprend, disons, les lois du talion qui sont dans la Bible. Et ça reprend aussi les normes islamiques, puisque l'obligation de vengeance est inscrite également dans le Coran. Quand on tue quelqu'un, il y a un prix qu'il est possible de payer afin de se soustraire à l'obligation de tuer quelqu'un dans la famille adverse. Donc on appelle ça la compensation et ça correspond grosso modo à deux prix de fiancé. C'est-à-dire quand vous voulez vous marier dans la société traditionnelle, eh bien il faut acheter une fiancée à sa famille, à ses parents. Et donc l'équivalent d'un mort, si par exemple on tue votre père, c'est d'obtenir deux prix de fiancé. Et si on ne parvient pas à trouver un compromis, le prix du sang, il peut se perpétrer de génération en génération? Alors la tradition pachtoune est très claire sur ce plan-là. Il y a un des proverbes afghans qui dit « Cette famille a mis 500 ans à se venger, elle a été assez rapide. » Demain, tu vas commencer à rédiger, écrire ton histoire, c'est ça? Oui, demain je vais écrire mon histoire. Avec qui? Avec Brigitte. C'est une association qui fait aide avec moi. Ça s'appelle Amnesty International. Mm-hmm. Les Brigitte, c'est le chef. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le fait qu'il ait menti à l'OFPRA, c'est pas rédhibitoire. Ça peut se défendre devant la CNDA. Donc nous, notre but maintenant, ça va être de justifier son mensonge, d'expliquer pourquoi il a menti, ce qui l'a poussé à mentir, donc la peur de revenir en Afghanistan. Son jeune âge d'abord, je pense qu'il faut jouer là-dessus. Et surtout, le point principal, donc ses craintes en cas de retour dans son pays. S'il rentre demain chez lui, il ne sera pas protégé par les autorités de son pays. En Afghanistan, on sait ce qui se passe. Mais surtout, qu'il est en danger de mort. Donc pour revenir à ton père, donc il était toujours armé, il sentait que des fois il était un peu surveillé, si j'ai bien compris. Oui, il était toujours avec une machine, avec une pistolet. Mais il avait peur, même 14 ans après. Et une fois qu'il fait soir, il a fermé le magasin, il est parti à la maison, mais en route, il a eu deux personnes avec le moto. tu dis qu'il y avait deux personnes à moto. Oui. Et lui, il était à pied. Oui, il était à pied. Mais il est parti comme ça. Et après, lui aussi, il a fait les trucs, mais il n'y a personne qui a tué. Il a essayé de se sauver. Oui, voilà. Et lui aussi a riposté. Oui, voilà. Eux, ils sont partis et lui, il est mort. Mon père ? Oui. Non, il aussi, il était vivant. Il n'y a pas de personne qui a tué. Personne n'a été tué ? Oui. Il a été tué quand, ton père, alors ? 2014, quand on était au Pakistan. Attends, parce que là, ce que tu viens de me raconter, c'est pas quand il est mort. Non, il était... C'est juste une fusillade qu'il y a eu entre lui et d'autres personnes. Ça, c'est pas c'était quand, mais... C'était longtemps avant ? Oui, 2010, 2009, je pense. Oui, donc il s'est donc passé quelque chose avant 2014. Est-ce que les histoires de crimes d'honneur, de vendetta, permettent à un ressortissant étranger de demander l'asile en France et obtenir la protection de la France ? Oui, puisqu'effectivement, la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, considéra à de nombreuses reprises qu'on peut faire parfaitement partie d'un groupe social en danger lorsque on était victime de vendetta au Kosovo, en Albanie, j'allais dire, monnaie courante. Ça existe aussi pour des pays comme l'Afghanistan, dans certains secteurs, parce que la règle, c'est de dire qu'on ne peut pas bénéficier de la protection de l'État, même dans une région donnée. Donc effectivement, on peut considérer que la vendetta est une cause pour obtenir une protection en France. Maître Ziaouloumi, si la CNDA décide de ne pas lui accorder ni la protection subsidiaire ni le statut de réfugié politique, quels sont ses recours ? Alors, bien évidemment, s'il y a une erreur de droit, si on veut, dans la décision, il est possible d'aller devant le Conseil d'État. Par exemple. C'est parfaitement possible, ça s'est déjà vu. Le problème, c'est que ce n'est pas suspensif. Et le Conseil d'État a des délais pour statuer de l'ordre de 3 ans. La décision du préfet portant refus de séjour au titre de l'asile et peut-être obligation de quitter le territoire peut intervenir. Maintenant, la deuxième possibilité, à part ce recours-là, c'est de se concentrer soit sur de nouveaux éléments pour faire une nouvelle demande, ou alors on oublie de demander la protection et on se contente de demander une carte de séjour. S'il est rentré entre l'âge de 16 ans et 18 ans, si on veut, avant 18 ans, eh bien, il peut demander une carte de séjour vie privée familiale. Et dans ce cadre-là, tous ces éléments vont être importants. Le fait qu'il maîtrise le français, qu'il ait un cercle d'amis qui se soit constitué ici, qu'il soit intégré, qu'il ait fait des études et qu'il puisse travailler, etc. Tous ces éléments vont aller dans ce sens. Et il y a d'ailleurs des associations comme RESF, etc., qui prennent ce type de dossier en main pour le soutenir, pour essayer d'aboutir à la fin. Et la question que la CNDA va se poser, c'est est-ce que Haïdar est un vrai ou un faux réfugié, et finalement, c'est égal. On s'en fout. On s'en fout. Je veux dire, ça va, c'est bon. Le gamin, il a déjà... je ne croyais pas qu'il a déjà ramassé, il a 19 ans. Il a une volonté de faire, de réussir. Là, il est dans un cul-de-sac, et bien voilà, allez, vas-y, mon gars. Même la protection subsidiaire, voilà, peu importe, on peut être, voilà. Mais voilà, donnez-lui quelque chose, une chance de pouvoir construire quelque chose véritablement ici. Ensuite, ensuite on verra bien. Il y a des... À mon avis, il a 19 ans. Hein, il a du temps. C'était La liberté au prix d'un mensonge. Coordination Perrine Kervran. Attaché d'émission Marie-Vonne Bolivier. Mixage Pascal Bénard. Musique originale Voix étouffée Orient-Occident. Remerciements à Hubert Jourdan pour son accueil. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant d'aller à l'OFPRA, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.